Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, Lyndon B. Johnson, le président de la guerre contre la pauvreté, rattrapé par le Vietnam. And this administration today, here and now, declares unconditional war on poverty in America. Lyndon B. Johnson qui déclare la guerre à la pauvreté lors de son discours sur l'État de l'Union le 8 janvier 1964. Lyndon B. Johnson, qui se réclamera de l'héritage de Franklin D. Roosevelt, ce sera l'un des présidents les plus progressistes de l'histoire des États-Unis, mais les politiques sociales avant-gardistes de Johnson seront éclipsées par ce bourbier de la guerre du Vietnam. Le président Johnson ne se présentera pas devant l'électorat américain aux élections présidentielles de novembre. Dans son allocution radio-télévisée à la Nation ce soir, il a annoncé qu'il ne cherchera ni n'acceptera la nomination du Parti démocrate pour un nouveau mandat. With American sons in the field far away, with America's future under challenge right here at home, I shall not seek. And I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Cette décision a eu l'effet d'une bombe dans les milieux politiques des États-Unis, laissant les deux adversaires du président à l'investiture démocrate ébahis. Le sénateur Kennedy n'a trouvé rien à dire au reporter à son arrivée à New York, préférant attendre à demain avant de livrer ses commentaires. Le 31 mars 1968, Lyndon B. Johnson, qui renonce donc à la vie politique et à une nouvelle candidature à la présidence américaine, largement à cause de cette question de la guerre du Vietnam, pour nous raconter la présidence de Lyndon Johnson entre le 22 novembre 1963 et le 9 janvier 1969, l'historien André Champagne. André, bonjour. Bonjour. André, Lyndon B. Johnson, c'est probablement l'un des présidents les plus mal aimés, les plus mal jugés de l'histoire des États-Unis, non? Ben, vous l'avez dit tantôt, c'est le Vietnam. Ouais. Le Vietnam l'a littéralement tué. Ça gomme tout le reste. Ça gomme tout le reste. Quelque part, Lyndon Johnson, c'est une tragédie grecque. Parce que ce président-là voulait vraiment consacrer sa présidence pour essayer de réduire les inégalités aux États-Unis, pour permettre aux Noirs de devenir des citoyens à part entière. C'est un homme qui venait d'un milieu modeste du Texas rural. Son père avait œuvré à la Chambre des représentants de l'État du Texas. Il a eu le goût de la politique très jeune, mais c'est un homme qui a commencé sa carrière politique sous Roosevelt, en 1937, et c'est un homme qui, influencé par Roosevelt, s'est dit « Moi, je vais vraiment essayer de consacrer ma carrière politique à faire en sorte que les Noirs, les travailleurs mexicains, les pauvres en général, les personnes âgées aient droit vraiment à un minimum de sécurité. » Étant donné que les États-Unis, c'était le pays le plus riche, le plus puissant de la planète, pour lui, c'était inacceptable que l'Amérique n'offre pas le minimum à une partie de sa population qui, au début des années 60, estimait qu'il y avait 30 à 40 millions de pauvres aux États-Unis sur une population de 192 millions d'habitants. Donc Roosevelt, sa proximité avec Roosevelt, qui sera une grande inspiration, certaines lectures aussi, un livre en particulier qui sera important pour lui. C'est un livre marquant qui est publié au début des années 60, qui s'intitule « The Other America » par un sociologue qui s'appelle Michael Arrington, qui révèle à la société américaine, à la population américaine, à quel point il y a de la pauvreté aux États-Unis, qu'il y a des zones de pauvreté, comme par exemple dans les Appalaches, qui révèlent la pauvreté qui frappe près de 50% de la population noire, mais qui révèle également que les retraités sont à toute fin pratique abandonnés à leur sort, étant donné qu'il n'y a pratiquement pas de pension, étant donné qu'il n'y a pas de programme médicaux pour les couvrir. Et ce livre-là déclenche une prise de conscience chez Lyndon Johnson, mais également chez John Kennedy et surtout chez son frère Robert Kennedy. Ouais. Évidemment, les circonstances, vous parlez de John Kennedy, les circonstances de l'arrivée de Johnson à la présidence sont exceptionnelles. C'est l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy qui le propulse à la présidence. John F. Kennedy has been struck down by the foulest deed of our time. He's gone. Mr. President. Accidental president, that's what they'll say. I urge you to enact President Kennedy's civil rights bill into law. ain't gonna be easy, Dr. King. This president is gonna have to deliver, and we're gonna hold his feet to the fire till he does. We in the Senate intend to filibuster this bill. Extrait de la bande-annonce de la très récente télésérie américaine All the Way, qui raconte l'arrivée à la Maison-Blanche de Lyndon B. Johnson à la suite de l'assassinat de John Kennedy. Contexte particulier, donc, dans lequel Johnson se retrouve à la présidence des États-Unis, André Champagne. Il aura le génie. Il faut dire que c'est un politicien expérimenté. Il connaît très, très bien le Congrès, les rouages du Congrès. Mais il aura le génie de profiter de ce contexte particulier, au fond. Mais tout à fait, parce que c'est une véritable commotion. L'assassinat du président Kennedy, et il y a vraiment une espèce d'élan de générosité qui semble toucher l'ensemble de la population américaine, qui touche évidemment le Congrès, que ce soit la Chambre des représentants ou le Sénat, où les démocrates sont majoritaires de toute façon. Vous avez parlé de son expérience. Depuis 1955, il était le leader des démocrates au Sénat. C'est un politicien d'expérience, et il se dit, Kennedy avait voulu consacrer sa présidence au renouvellement des États-Unis. Il avait créé le Peace Corps, il avait créé toutes sortes de programmes. En juin 1963, il avait annoncé dans un discours qu'il allait déposer un projet pour reconnaître les droits civiques des Noirs, sachant très bien que ce serait extrêmement difficile pour lui de faire voter ça par le Congrès. Oui. Alors, Johnson profite justement de cette commotion-là pour dire que, oui, les engagements pris par le président Kennedy, notamment la question des droits civiques, notamment la question de la lutte pour réduire les inégalités, justement, je vais consacrer ma présidence à ces programmes-là. Et si vous voulez honorer la mémoire du président, aidez-moi dans cette tâche-là. Parce que vous, le peuple, je veux dire, la population américaine, la classe politique est véritablement ébranlée. Si vous voulez vraiment saluer sa mémoire, eh bien, aidez-moi à mettre en œuvre ces projets-là. Et ça va marcher. Puis c'est un peu un tour de force, mais il profite effectivement de ce contexte-là pour faire passer deux lois très, très importantes. Vous les évoquiez. Peut-être que si Kennedy avait survécu, ces lois-là n'auraient pas passé. Enfin, ça, on pourra jamais le savoir, mais ces deux lois-là, ces deux pièces maîtresses, on écoute Johnson nous en parler dans un discours au Congrès. C'est évidemment la loi sur les droits civiques en 1964 et la loi sur le droit de vote en 65, extrait d'un discours de Lyndon B. Johnson devant le Congrès en mars 1965. I do not want to be the president who built empires. I want to be the president. Je ne veux pas être un président qui bâtit des empires. Je veux être un président qui enseigne aux enfants à reconnaître les merveilles de leur monde. To the wonders of their world. I want to be the president who helped to feed the hungry. Je veux être le président qui aide à nourrir ceux qui ont faim et à en faire des contribuables plutôt que des bénéficiaires de l'aide gouvernementale. Instead of tax eaters. I want to be the president who helped the poor to find their own way. Je veux être le président qui aide les pauvres à s'en sortir et qui permet à chaque citoyen de pouvoir voter. To vote in every election. André Champagne, deux lois fondamentales. De quelle manière, d'abord, qu'est-ce qu'elles prévoient, ces lois, et de quelle manière elles seront importantes? Bon, le Civil Rights Bill, la loi des droits civiques qui a été votée à l'été de 1964, interdisait toute forme de discrimination dans les droits publics, dans le transport, dans les hôtels, la restauration, l'école, l'éducation. Elle mettait fin, en principe, à la ségrégation qui sévissait depuis la fin du 19e siècle. Et si les États ne respectaient pas cette loi-là, le gouvernement fédéral pouvait imposer des sanctions, notamment des sanctions économiques, en refusant de donner certains crédits. Et cette loi-là, Johnson est parvenu à la faire voter par le Congrès. Pourquoi? Parce qu'il a su convaincre suffisamment de sénateurs et de représentants républicains pour l'appuyer dans cette tâche-là. Pourquoi avait-il besoin de l'appui de sénateurs et de représentants républicains? Pour la très simple et très bonne raison que les démocrates du sud des États-Unis, les démocrates des États où la ségrégation était en place depuis la fin du 19e siècle, c'est clair que ces États-là allaient rejeter en bloc le Civil Rights Bill. Même situation en 1965, quand il présente le Voting Rights Act au mois de juin et qui est voté au mois d'août. Encore une fois, Johnson, étant donné son habileté avec le Congrès, avec le Sénat, avec le représentant, parvient à convaincre suffisamment de républicains. Et comment fait-il ça? C'est très simple. Il échange tout simplement des votes en faveur de ces deux lois-là contre la promesse de nomination à des à des emplois dans le gouvernement. Enfin, justifie les moyens. Ou tout simplement de financer un pont, de financer tel programme que le sénateur ou le représentant veut pour son État. Alors, excusez l'expression anglaise, c'est du give and take. Ouais. Et ça, c'était son grand talent parce que c'était un homme qui savait comment fonctionnait le système de gouvernement américain. Et puis, ces deux lois qui seront fondamentales, donc, essentielles, beaucoup pour les Noirs américains. Oui. Il n'y aura pas que ces deux lois. Johnson, cette vision progressiste qu'il a, c'est aussi ce qu'il appelle la grande société, la Great Society. Qu'est-ce que c'est son projet politique? Son projet politique, c'est de réduire les inégalités. C'est non pas de donner... il ne veut pas que le gouvernement fédéral crée vraiment des habitudes d'assistanat. Il refuse, lui, que le gouvernement envoie des chèques. Pour lui, le gouvernement doit créer des programmes comme, par exemple, le Head Start. Le programme de Head Start, c'est un programme qui permet aux familles pauvres, principalement noires et mexicaines, de pouvoir envoyer leurs enfants dans des écoles prématernelles dès l'âge de 4-5 ans. Et ce programme-là est génial. Pourquoi? Parce que les parents de ces enfants pauvres-là peuvent également accompagner leurs enfants et avoir la chance d'apprendre à lire et à écrire. Il va créer l'Office of Economic Opportunity, qui est une espèce d'équivalent, si vous voulez, des Peace Corps, qui avait été formé sous Kennedy, qui permettait à des jeunes Américains d'aller aider dans des pays du tiers-monde. Ouais. Cet office-là va créer un programme où il va permettre à des jeunes Américains récemment diplômés d'aller aider dans les communautés défavorisées, les pauvres, principalement les Noirs, à s'organiser, à créer des programmes. Mais l'idée, c'est d'essayer de développer une culture de gagnant, de permettre aux pauvres de sortir de cette culture de la pauvreté. Et d'avoir accès aux services juridiques pour les plus pauvres. Oui, exactement. Avec l'aide juridique. Exactement, l'aide juridique, la santé. La question de la santé. Oui, la question de la santé est fondamentale. Pourquoi? Parce que bon, on le sait, il n'y avait pas d'assurance santé aux États-Unis, mais le problème de la santé touchait principalement, bon, les pauvres, mais également les personnes âgées. Pourquoi? Parce que les retraités, évidemment, ils perdaient le peu d'avantages qu'ils en avaient eu en prenant leur retraite. Et on s'est aperçu que la moitié des Américains de 65 ans et plus n'avaient aucun accès aux soins hospitaliers, ne pouvaient pas se permettre d'aller rencontrer un médecin, ne pouvaient pas se payer des médicaments. Alors, il va créer ces deux programmes majeurs qui sont le Medicare. Alors, écoutez ceci. Les rapports sur la pauvreté ont démontré que plus de la moitié des Américains âgés de 65 ans et plus n'avaient aucune assurance maladie et que les plus pauvres n'avaient accès à aucun soin. Début 1965, la loi dite Medicare est l'une des premières proposées au Congrès et adoptée en août. Le texte comprend deux volets pour les personnes âgées. Le premier prévoit que l'augmentation des prélèvements de sécurité sociale payés par les salariés et les employeurs couvrira désormais leur hospitalisation pour une période de 3 mois. Le deuxième institue une prise en charge par le gouvernement d'autres frais médicaux les concernant, radiologie, frais d'infirmière et d'opération. Dès la première année, près de 20 millions d'Américains bénéficient du Medicare. La loi permet aux personnes âgées de souscrire à une assurance volontaire subventionnée pour moitié par l'État pour couvrir le coût des honoraires. Et le Congrès, évidemment, influencé par ce programme-là, le Congrès, lui, propose de son côté la loi Medicaid afin d'améliorer les soins médicaux des plus pauvres. Le gouvernement fédéral s'engage à doubler les fonds que les États consacrent à certaines catégories précises de démunis. Les aveugles, les infirmes, ainsi que les familles ayant un enfant dépendant plus âgé qui sont exclus du Medicare. Cette loi... Autrement, avant cette loi-là, ces gens-là étaient abandonnés à leur sort, s'en remettaient à la charité publique ou à leur famille. Et ça va faire une grosse différence, les lois sur la santé, mais aussi tout le programme social, lutte contre la pauvreté, dont on a un peu parlé, André. Ça marche, là. Les chiffres nous le montrent aussi. Ça marche. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous regardez le nombre de personnes âgées qui vivaient dans la pauvreté, En 1965, avant ces lois-là, c'était autour de 50 % et au début des années 80, ça a été réduit à 10 %. C'est énorme et c'est rapide. Énorme, c'est rapide et puis c'est extrêmement efficace. Le problème, évidemment, ce sera une question de coût, une question de déficit. Ouais. Ouais. Et puis, politiquement, le problème pour Johnson, c'est que tout ça, toutes ces réformes sociales, ce caractère profondément progressiste, réformateur de Johnson, tout ça va être assombri, complètement éclipsé, en fait, par ce qui suit. J'ai acheté un billet pour le dîner. Et j'étais placé à la table numéro 95. Aussitôt que le président a été introduit, je me suis mis debout sur la chaise, j'ai enlevé mon veston et sur ma chemise, il y avait peint devant et derrière la paix au Vietnam. Et j'ai dit, Monsieur le Président, la paix au Vietnam. Qu'est-il arrivé à ce moment-là? Alors, les agents qui étaient contre le mur m'ont saisi et m'ont transporté en dehors de la salle. Et pendant qu'ils me transportaient, je répétais, Monsieur le Président, je vous prie, la paix au Vietnam, la paix au Vietnam. La guerre au Vietnam, ça change tout pour cette présidence de Lyndon B. Johnson, André Champagne. On verra le coup politique que ça aura pour lui dans un instant. Mais d'abord, pourquoi diable s'embarque-t-il dans cette galère? Parce qu'il avait promis au départ de poursuivre les politiques de John Kennedy. Il a gardé tous ses conseillers et principalement son secrétaire à la défense, Robert McNamara, qu'il considérait comme quelqu'un d'extrêmement brillant, le secrétaire à la défense, le secrétaire d'État Dean Rusk, et c'était des anciens diplômés de Harvard, c'était des gens qui s'étaient distingués, qui avaient fait des carrières dans le domaine des affaires, qui avaient été recrutés par Johnson. Et Johnson, faut voir que c'est un homme qui était très complexé de ses origines. Il avait étudié dans une toute petite université du Texas. Il n'avait pas fréquenté les grandes universités de la côte Est, les fameuses universités du Ivy League. Et c'est un homme qui lisait très peu. C'est un homme qui avait pratiquement pas de curiosité intellectuelle. Et c'est un homme qui était beaucoup plus intéressé par des questions de politique intérieure. Donc, la politique extérieure, c'était pas vraiment son domaine il de compétence. Il a un petit peu abandonné à ces gens-là. Et le problème, c'est qu'il a eu confiance à ses généraux. Et c'est un homme qui a été illusionné par la puissance de feu de l'aviation de guerre américaine, la US Air Force. Les généraux lui avaient fait croire que par une simple campagne de bombardement massif, on pourrait venir à bout de la volonté de résistance du Nord-Vietnam et du Viet-Cong. Il était convaincu qu'on pourrait tout simplement forcer Ho Chi Minh à négocier, à s'asseoir à la table de négociation. Et l'autre problème de Johnson, c'est que Johnson ne connaissait rien à l'histoire de la guerre du Vietnam, ne connaissait rien à cette région-là. Et, soit dit en passant, dans son administration, c'était le lot d'à peu près tout le monde. Et il n'a pas pris conscience du fait qu'un pays qui était couvert majoritairement de jungle, c'est un pays où les bombardements, en toute fin pratique, ne pouvaient pas avoir d'efficacité. Ouais. Et c'est un homme qui n'a pas compris que le véritable enjeu de cette guerre-là, ce n'était pas le communisme, c'était tout simplement une guerre d'indépendance nationale. Ouais. Ce que Ho Chi Minh et le Nord-Vietnam voulaient, c'était tout simplement de réunifier le Nord-Vietnam, ce qui aurait dû être fait après les accords de Genève de 1954. Alors que ces gens-là sont obsédés par cette... On est en pleine guerre froide, là. Oui. Mauvaise lecture. Oui, mauvaise lecture. Et évidemment, vous l'avez dit, guerre froide, théorie des dominos. Si le Vietnam tombe, il va entraîner dans sa chute le Cambodge, le Laos, la Thaïlande. Et Johnson également, c'est un homme qui est très fier, qui est très orgueilleux. Et il a toujours dit, je ne veux pas être perçu comme le premier président américain qui aurait perdu une guerre. Donc, pour lui, c'était une question de prestige des États-Unis. C'était une question aussi d'engagement des Américains face à leurs alliances. Si on laissait tomber le Vietnam, si on essayait de trouver une solution négociée, que penseraient nos alliés? Mais fondamentalement, l'erreur qu'il qu'il a fait, c'est d'avoir confiance en ses généraux, d'avoir confiance en McNamara et en Dean Rusk. Et c'est intéressant parce que McNamara commence à avoir des doutes dès 1967. McNamara, qui avait toujours soutenu l'effort, en 1967, réalise que les Américains ne pourront pas gagner dans un délai raisonnable et que même s'il y a 500 000 soldats américains engagés au Vietnam à la fin de 1967, c'est visiblement pas suffisant. Et la crainte de Johnson, c'était que si les Américains envahissaient le Nord-Vietnam, ça pourrait peut-être dégénérer en conflit avec l'Union soviétique ou la Chine. C'était sa grande crainte également. Et puis évidemment, on le sait bien, ce sera vraiment un bourbier, cette affaire-là. L'opinion publique américaine va au départ la guerre, va changer de côté. Les reportages vont nous montrer de plus en plus les horreurs qui se vivent au Vietnam. Et ce sera pour lui, puis on termine là-dessus, André Champagne, mais ce sera catastrophique. Oui. On ne retiendra de cette présidence que ce fiasco du Vietnam. Ben, ce qu'on a entendu tantôt, « Hey, hey, LBJ, how many kids have you killed today? » Il entendait ça quotidiennement à la Maison-Blanche. Ça le pourchassait partout. Et cette guerre-là, rappelons-le, la télévision, aucune censure. Les équipes de CBS, ABC et NBC couvraient la guerre sur le terrain, Radio-Canada. Tous les soirs, les Américains voyaient les images de soldats tués, voyaient ce que les Américains faisaient dans les villages vietnamiens et tout et tout. Donc, c'était une guerre où l'armée américaine s'est discréditée, le président s'est discrédité. Et également, s'il faut le dire, c'est que les Américains n'avaient pas les moyens de mener conjointement la guerre contre la pauvreté et la guerre du Vietnam. Donc, le financement de la guerre du Vietnam a obligé l'administration Johnson à réduire certains budgets des programmes clés de la guerre contre la pauvreté. Avec le recul, avec le temps qui passe, André Champagne, les historiens américains, est-ce qu'on juge toujours Johnson aux yeux de l'histoire sur la question du Vietnam? Non, maintenant, on juge Johnson beaucoup plus pour son programme de politique intérieure. On reconnaît que sans lui, les deux principales lois sur le droit civique n'auraient pas été votées. Et on reconnaît à quel point il avait raison de mener cette guerre contre la pauvreté-là et à quel point c'était un progressiste. Il y a une espèce d'entreprise de réhabilitation qui est en train de se faire. Il y a un historien, son biographe, Robert Caro, qui est rendu à 4 tombes qui font plus de 1200 pages chaque. Il est rendu à 1964. On attend, moi, j'attends avec impatience la suite, parce que là, ça va être Johnson face au pouvoir. Ouais. Et Caro a démontré, sans l'ombre d'un doute, qu'il avait été un grand président. Et si vous regardez, par exemple, dans la série que PBS a fait sur les grands présidents américains, l'épisode Johnson, qui était fait en 1992, on voit à quel point ça a été un grand président. André Champagne, historien, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci, André. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.